Ce qui se passe actuellement est un crime inimaginable contre l'humanité. S'il vous plaît, comprenez que la vaccination condamne à mort des milliards de personnes. Pas aujourd'hui, pas demain, ces choses prennent du temps, des mois et des années. Après le succès de la campagne d'information sur la dangerosité du Covid-19, les entreprises pharmaceutiques, les politiciens et les principaux médias ont tous parlé d'une même voix et ont fait la promotion des vaccins anti-Covid sûrs comme protection contre cette pandémie potentiellement mortelle. En 2020, des scientifiques, des médecins et des juristes qui ne voyaient pas d'un bon œil les autorisations express ont commencé à observer en détail les conséquences et les effets secondaires des vaccins Covid et à les remettre en question lors de commissions d'enquête et de conférences de presse. Ils sont également parvenus à la conclusion que des ingrédients non déclarés, entre autres dans les vaccins Covid, provoquaient des effets dévastateurs chez des personnes vaccinées. Des tumeurs à croissance extrêmement rapide ont notamment été constatées. Dans ce contexte, les observations du Dr Ute Krüger, médecin-chef et scientifique, sont également très révélatrices. Lors d'une table ronde, elle a expliqué comment les vaccins Covid peuvent déclencher des tumeurs à croissance rapide et des maladies auto-immunes. Le Dr Krüger est médecin-chef de l'hôpital régional de Kalmar au département de pathologie clinique, une spécialité dans laquelle elle travaille depuis 25 ans. Au cours des 18 dernières années, elle s'est spécialisée dans le diagnostic du cancer du sein et a examiné des milliers d'autopsies et d'échantillons de cancer du sein. L'âge des patientes, la taille de la tumeur et le degré de malignité font partie de son domaine d'expertise. Tout au long de sa carrière, il y a toujours eu une marge de fluctuation normale. Cette plage de fluctuation normale a toutefois été brutalement interrompue en 2021 avec la mise sur le marché du vaccin Covid. Les cas de tumeurs cancéreuses à croissance rapide, les turbocancers, comme elle les appelle, se sont multipliés, en particulier chez les jeunes femmes qui étaient moins touchées par de telles tumeurs auparavant. La taille des tumeurs a également changé. Auparavant, il était inhabituel pour le Dr Krüger de trouver une tumeur de 3 cm. Maintenant, elle voit régulièrement des tumeurs de 4 cm, 8 cm, 10 cm et parfois même 12 cm. Et même une tumeur de 16 cm qui remplissait tout un sein. Elle a également observé des cas de tumeurs multiples, c'est-à-dire des tumeurs qui se développaient dans plusieurs organes de la même personne. Dans les mois qui ont suivi la vaccination, une patiente a développé des tumeurs dans le sein, le pancréas et les poumons. En outre, il y a également eu une augmentation du nombre de patientes dont le cancer présentait des symptômes atténués depuis de nombreuses années, mais qui ont soudainement subi une rechute agressive peu après la vaccination. Le Dr Krüger a d'abord pensé que ces turbo-cancers étaient dus au retard des rendez-vous médicaux en raison des confinements. Mais cette période était terminée depuis longtemps et les tumeurs continuaient à se développer de manière agressive. Elle a signalé certains de ces cas à l'agence du médicament et a convenu d'une réunion. Bien que certaines instances supérieures aient accepté la réunion, toutes ont annulé le lendemain sans explication et ont chargé un collaborateur de recevoir son rapport par téléphone. Le Dr Krüger a également constaté de nombreuses anomalies lors des autopsies effectuées. En voici deux exemples. Une femme de 60 ans souffrait de plusieurs maladies malignes. Elle a reçu 2 doses du vaccin Covid pendant la chimiothérapie et a ensuite développé le syndrome de Guillain-Barré. Une inflammation de la moelle épinière, du cerveau et des vaisseaux sanguins a également été constatée. Une dame de 80 ans a été paralysée un mois après avoir été vaccinée. Le Dr Krüger a constaté un saignement dans la moelle épinière près du cou, ce qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Au microscope, elle a vu une inflammation provoquée par une déchirure et le saignement d'un vaisseau. Elle a également trouvé une inflammation du muscle cardiaque, une myocardite. Comme mentionné précédemment, le Dr Krüger donnait des conférences à ses collègues sur les anomalies qu'elle soupçonnait. À la fin de l'une d'entre elles, elle s'est adressée à ses collègues et leur a demandé de l'aide pour dévoiler ses faits. Il est grand temps que les médecins s'expriment. Tout médecin suffisamment attentif pour comprendre que quelque chose ne va pas doit commencer à s'attaquer au problème. La pression qui s'exerce lorsqu'on sait que tout va bientôt exploser et qu'on ne veut pas se retrouver alors du mauvais côté de la barrière pourrait constituer une motivation supplémentaire. Malheureusement, les corrélations observées par le Dr Krüger ne sont pas rares. Pour ne citer que 2 exemples, Lors de la grande campagne de vaccination contre la polio, une augmentation des paralysies était survenue parallèlement aux vaccins administrés. Dans le cas de la vaccination contre le HPV, pour protéger du cancer du col de l'utérus, une forte augmentation de 54% du taux de cancer du col de l'utérus s'était produite avec la vaccination. La pathologiste a exprimé son inquiétude. « J'ai fait des études de médecine parce que je voulais aider les gens. Mais maintenant, j'ai l'impression de voir des gens se faire tuer et je ne peux rien faire. On n'écoute pas ce que je dis et mes collègues remettent même en question mes compétences. » Et pourtant, grâce à vous, chers téléspectateurs, il est possible de faire quelque chose. En diffusant cette émission, vous pouvez aider à découvrir les liens de cause à effet afin d'éviter des dégâts encore plus importants que ceux déjà causés. Nous ne devons pas oublier que ce sont les groupes pharmaceutiques qui tirent le plus grand profit de la vente des vaccins et des médicaments contre le cancer.